Après un mec pas mante quitté, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est sur la bête tout en terre, quoi ton bébé quand t'étais. Après un mec pas mante quitté, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est sur la bête tout en terre, quoi ton bébé quand t'étais. Pas comme Rital, faut qu'on caresse. T'en sortir les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il connaît pas petit quand t'allais tout. Pas comme Rital, faut qu'on caresse. T'en sortir les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il connaît pas petit quand t'allais tout. Comme jalouse, pas jambra. Oh, pas jambra. Comme jalouse, pas jambra. Comme jalouse ma jambra, tête est ouverte. Comme jalouse ma jambra, oh ma jambra. Comme jalouse ma jambra, comme jalouse ma jambra, tête est ouverte. Comme jalouse ma jambra, oh ma jambra. Comme jalouse ma jambra. Thank you.